Centre universitaire apostolique CUA d'Abomey-Calavi, créé le 19 mars 2006. Sa vision, voir le règne de Dieu augmenter dans le cœur des étudiants. Il est situé à Zobadje, cité La Victoire. Thème de l'année 2024 au CUA, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le département du multimédia et de la communication DMC du CUA vous invite à suivre attentivement la prédication du dimanche 26 mai 2024 avec l'assistance du Saint-Esprit. Orateur du jour, Gis Oscar Sosoupe. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que nous pouvons offrir une chaude acclamation à l'honneur de notre Dieu? Gloire à Dieu! Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à ce culte dominical de ce dimanche béni. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans chacune de nos vies, pour cette faveur qu'il fait à chacun de nous d'être encore au rendez-vous en sa présence ce matin, que son nom soit béni davantage. Alors nous allons nous disposer ce matin, après les chants, les moments d'adoration, nous allons écouter le Seigneur nous parler ce matin encore au travers de la prédication de sa parole. Et depuis le 17 mars dernier, nous avons entamé une série de prédications sur le livre du prophète Jérémie. Et j'espère que le Seigneur nous a richement bénis au travers de ces prédications. Ce dimanche, nous allons clôturer avec cette série sur le livre du prophète Jérémie. Le contenu de ce livre, faut-il le rappeler, a été écrit pendant le ministère de Jérémie, dont la majeure partie a eu lieu sur une période de 40 ans, entre l'an 627 et 586 avant Jésus-Christ. Le message de Jérémie aux habitants de Juda, de Jérusalem, d'Israël et tout le reste du monde était de se repentir de leurs péchés et de revenir à Dieu, au Dieu Yahweh, créateur des cieux et la terre, ce Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, patient, doux et saint. Cependant, comme ils refusaient de renoncer à leur grave corruption, de se repentir, Jérusalem allait donc être détruite par Babylone et le peuple déporté. Mais le prophète Jérémie, un appelé spécial de Dieu dans un contexte spécial, ne se limite pas à un message, je dirais, négatif. Il proclama également un message de renouveau, un message de reconstruction, un message de rétablissement. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans le chapitre 33 de Jérémie et nous allons explorer ensemble à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Donc nous lisons dans Jérémie chapitre 33, verset 10 au verset 13. Nous lisons ainsi dans la version Louis II. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, soulignées dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Alléluia. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai, souligné rétablirai, comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Alléluia. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, ce matin encore nous voici au contact de ta parole. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que nous l'abordons ce matin. Nous voulons que ton esprit nous illumine. Nous voulons comprendre les profondeurs de ta parole. Nous voulons saisir les opportunités, les promesses de bénédiction, de rétablissement que tu nous donnes ce matin. Donne à chacun de nous de profiter pleinement de ce rétablissement parce que tu le fais au-delà de nos entendements. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le thème que je voudrais bien proposer à ce petit extrait que nous venons de lire, c'est l'Éternel qui rétablit les peuples dévastés. C'est l'Éternel qui rétablit les peuples dévastés. Je vais donc aborder ce thème sur deux petits points. D'abord, un rappel descriptif de la souffrance des peuples. Un rappel de la souffrance des peuples, des familles, des vies dévastées, dans le verset 10. Et par la suite, nous allons explorer les implications du rétablissement des peuples, les implications du rétablissement des familles, les implications du rétablissement des vies, après bien entendu cette promesse merveilleuse de rétablissement de l'Éternel des armées. Ça sera des versets 11 jusqu'au verset 13. Alléluia. Alléluia. Le premier point, description des souffrances des peuples, des familles, des vies dévastées. Le verset 10 nous énumère quelques traits qui caractérisent la souffrance des villes de Juda, de Jérusalem, ainsi que leurs habitants. Et si nous voyons très bien le début du texte, il dit des villes désertes, des villes désertes. La ville est déserte. Voilà un trait qui caractérise ces villes de Jérusalem, d'Israël, de Juda. Le désert est certainement un endroit aride où il n'y a point de chemin ni de vie heureuse. Jérémie chapitre 2 verset 6b va nous définir clairement ce que c'est qu'un désert. Il dit, je cite, « Le désert, c'est dans une terre aride et pleine de fosses. » Jérémie chapitre 2 verset 6, à partir du point B. « Dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et même l'ombre de la mort. » C'est désert là ça. « Dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. » C'est la description que le prophète Jérémie fait même du désert, qui caractérise les villes de Jérusalem, de Juda et d'Israël et tous les habitants. Alléluia. Alléluia. Le désert symbolise donc une épreuve, des souffrances. Et c'est ce qui caractérise les villes dont on nous parle ce matin. Une souffrance qualifiée de désert. Et c'est de ça qu'il est question. Il ne s'en est pas arrêté à ce trait qui caractérise ces villes. Il dit, il n'y a plus ni hommes ni animaux. Dans ces villes, il n'y a plus ni hommes ni animaux. Imaginez vous-même une grande ville ou bien des villes que vous passez et vous ne sentez aucune présence humaine. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme. À quoi peut ressembler une telle ville où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas des humains dans cette ville? C'est ce qui caractérisait les villes de Juda, de Jérusalem et d'Israël. Il dit, ni d'animaux, il n'y a ni hommes ni animaux. Et les animaux symbolisent la prospérité économique, la richesse économique. Autrefois, si on veut mesurer votre richesse, on compte la quantité de bêtes, de brebis que vous avez dans vos troupeaux. Et c'est ça qui détermine votre richesse. Et dans cette ville donc, il n'y a point d'animaux, il n'y a point de bêtes, il n'y a point de brebis. Donc c'est une ville économiquement morte, qu'il n'y a point de vie, désert, ni hommes, ni animaux, ni bêtes. Alléluia. Alléluia. Il ne s'en est pas arrêté. Si vous suivez le verset 10 toujours. Les villes de Juda, les rues de Jérusalem dévastées. Les villes de Juda, les rues de Jérusalem dévastées. Dévastées fait penser à une ruine totale. De graves dégâts, des ravages. Donc Juda et Jérusalem étaient en ruine totale. Dévastées complètement. Il dit encore, les villes privées d'hommes et d'habitants. Il le redit encore. Les villes privées d'hommes et d'habitants. Les habitants, les familles, les humains, les vies, tous ont été déportés à Babylone. Voici ce qui caractérisait les villes du peuple béni de Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël et de Juda avait été livré entre les mains des Chaldéens et entre les mains du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Ils avaient été livrés. Une souffrance qui va durer plusieurs années. Nous l'avons vu dans Jérémie 29, verset 10. Nous citons, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. » Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Regardez combien d'années vont durer ces souffrances de ces peuples qui initialement sont des peuples bénis de l'Éternel. 70 ans encore de ruines que vont durer leurs souffrances. Bien sûr, le peuple a péché. Le peuple n'a pas observé les recommandations, les ordonnances, les instructions de l'Éternel, malgré tout ce que l'Éternel accomplit au milieu de ce peuple. Ils ont adoré des dieux étrangers. Ils ont offert de l'encens et de libations aux dieux de Baal, aux petits dieux, aux dieux étrangers. Ils ont incité la colère de l'Éternel. Ils ont été livrés et déportés. Les souffrances dans ces peuples, dans ces villes, dans ses familles, dans ses habitants, dans ses vies, étaient terribles. Les souffrances étaient énormes. Ceux qui devraient vivre dans un pays où coule le lait et le miel sont vaincus par épée, par la famine. Les bras valides déportés, plusieurs sont jetés en prison. Les villes sont complètement mortes. Cet état de désastre, de souffrance, de ruine, de misère est déjà connu de tous. C'est connu de tous, comme l'a bien sûr indiqué le verset 10. Il dit, on entendra encore dans ces lieux dont vous dites ville déserte. Ça veut dire que cet état est déjà connu. Eux-mêmes, ils le disent. Parce que les villes sont totalement ruinées, désertes. Tu es certainement issu d'un peuple, d'un village, d'une contrée. Quel peut être l'état spirituel actuel de ton village, de ta contrée, de ton origine? Quels sont actuellement leur état social, économique, même démographique de ton village, des habitants de ton village? Cet état est-il reluisant? La vie chrétienne, la foi chrétienne est-elle déjà assise chez toi, dans ta famille, dans ta contrée, dans ton village? Les peuples de ton village arrivent-ils à subvenir à leur quotidien? Ou bien les zones rurales a-t-il déjà déporté de chez toi les bras valides pour ne laisser que les personnes de troisième âge? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire ce constat une fois quand nous descendons dans nos villages. C'est bizarre, n'est-ce pas? On constate qu'il n'y a même plus de jeunesse. Les bras valides ont déserté les villages. Regardez ce que ça donne déjà. Cet état de choses. Ne veux-tu pas être le Jérémie de ton village? Celui qui se met à genoux dans la prière en faveur de ton village. Idem pour ta famille. Il y a aussi certainement cette ruine dans ta famille, sous plusieurs autres formes. Ne veux-tu pas être le Jérémie de ta famille? Notre thème de cette année, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». La situation actuelle de ta contrée, de ta famille, ne te préoccupe-t-il pas? Alléluia. Toi-même, quelles sont ces situations de ruine, ces situations dévastatrices qui pèsent sur ta personne? Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Ne veux-tu pas le faire? À un moment donné, dans le peuple d'Israël, de Juda, la situation était devenue insupportable. Comme ça peut être le cas actuel du peuple de Dieu que nous sommes. Ça peut être le cas de nos contrées. Ça peut être le cas de nos familles. Ça peut même être le cas de nous-mêmes, notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle du Seigneur pour des peuples dévastés ce matin. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle du Seigneur pour les familles dévastées. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle de l'Éternel pour les vies ruinées et dévastées ce matin. Le Seigneur vous annonce son rétablissement. Le rétablissement qui vient de lui-même. C'est ce qu'il nous annonce ce matin. Et la parole de Dieu va nous dire dans Psaume 103, verset 9, que l'Éternel ne garde pas sa colère pour toujours. L'Éternel ne garde pas sa colère pour toujours. Jérémie chapitre 3, verset 12, c'est, je lis, « Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel des armées ne garde pas sa colère pour toujours. C'est pourquoi le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour une famille ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour un peuple, pour une contrée, pour un village, pour une nation ce matin au nom de Jésus. Alléluia. J'ai écouté un artiste togolais qui a formulé un merveilleux chant que j'ai aimé. Le Seigneur va rétablir et l'unité de son peuple. Le Seigneur va rétablir et l'unité de son peuple. Peuple affamé, le Seigneur va vous restaurer. Peuple désespéré, le Seigneur va vous restaurer. Peuple dispersé, le Seigneur va vous rassembler. Peuple prisonnier, le Seigneur va vous libérer. Les surprises de l'Éternel Dieu envers ses enfants ne sont pas finies. Amen. Les surprises de l'Éternel Dieu envers ses enfants ne sont pas finies. La situation sera renversée. Gardez le calme. Fais confiance en Dieu. Le salut viendra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu ce matin? Faisons confiance en Dieu. Et c'est lui qui nous rétablira. Alléluia. Et ce matin, il nous annonce le rétablissement et qui sera parfait dans chacune de nos vies. Reçois le rétablissement de l'Éternel des armées. Reçois le rétablissement de l'Éternel des armées. Dans tous les domaines de ta vie, tu es rétabli au nom de Jésus. Quelles sont alors les implications de ce rétablissement? Le deuxième point. Les implications du rétablissement des peuples, des familles et des vies. Et quand nous lisons à partir du verset 11, il dit « Des cris de réjouissance et des chants d'allégresse. » On entendra des cris de réjouissance et des chants d'allégresse. Parce que le Seigneur t'a déjà rétabli, alléluia. Parce que le Seigneur t'a déjà rétabli. Voici les implications qui vont suivre. En entendant des cris de réjouissance, les cris de réjouissance et des chants d'allégresse au nom de Jésus. Ces cris et ces chants témoigneront du rétablissement de Dieu. témoigneront de la miséricorde de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. On donne des cris de reconnaissance, de réjouissance et d'allégresse quand on est heureux, n'est-ce pas? Quand on est guéri ou quand on bénéficie d'une faveur exceptionnelle de l'Éternel des armées, dans tous les domaines, tu vas pousser des cris d'allégresse cette année. Tu vas pousser des cris d'allégresse cette année, des cris de réjouissance cette année, au nom de Jésus. Car les anciennes choses vont passer. Tu ne connaîtras point de désert. Tu ne connaîtras plus de désert dans ta vie. Le désert spirituel est déjà passé au nom de Jésus. Le désert dans ta vie professionnelle est déjà passé au nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, c'est le jour de rétablissement que le Seigneur a décrété dans ta vie, que le Seigneur a décrété dans ta famille, que le Seigneur a décrété dans ta contrée au nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté. Il dit encore, on entendra les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Alléluia. Il y a des gens sourient déjà. Alléluia. On entendra des cris du fiancé et des cris de la fiancée. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Avant la fin de cette année, le Seigneur te fera rencontrer ton âme sœur au nom de Jésus. Le Seigneur te fera fiancer au nom de Jésus. Bien sûr, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui sont prêts pour cela. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te le fera au nom de Jésus. Tu vas chanter cette année parce que le Seigneur t'a fait entrer dans ton mariage au nom de Jésus. Tu vas chanter et célébrer le nom de l'Éternel des armées parce que ta famille est une famille épanouie, parce que ta famille est une famille heureuse, parce que ta famille est une famille bénie au nom de Jésus. C'est ça la promesse de l'Éternel pour chacun de nous ce matin au nom de Jésus. On entendra les chants du fiancé et les chants de la fiancée au nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté. On entendra la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Louez l'Éternel des armées, car sa miséricorde durera toujours. La bonté de l'Éternel va se renouveler dans ta vie au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui le fera pour toi. Et comme c'était le cas de cet aveugle guéri par Jésus-Christ, dans Jean chapitre 9, verset 8 à 9, je cite, « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, ils disaient quoi ? Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disent, « Non, mais il lui ressemble. » Pour que toi tu dis, « C'est bien moi. » Alléluia. Pour que toi-même tu affirmes que c'est bien moi. Parce que quoi? L'Éternel a rétabli au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a rétabli ta vie. Parce que l'Éternel a rétabli ta famille. Au nom de Jésus. On entendra la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Les gens te méconnaîtront parce que le Seigneur a changé ta vie. Les gens te méconnaîtront parce que l'Éternel t'a rétabli. C'est de ça qu'il est question. Ainsi, tu loueras l'Éternel à perpétuité. Il ne s'est pas arrêté là. On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un a lu ça? On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu feras partie de ceux qui discutent, de ceux qui bousculent pour offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel des armées. Tu vas bousculer. C'est moi d'abord. C'est moi d'abord. C'est moi d'abord. Parce que ça me brûle. Je dois offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel t'a rétabli. Parce que ta situation n'est plus la même. Parce qu'il t'a rétabli. Parce qu'il a changé ta vie. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Les bonnes choses que l'ennemi a volées de ta vie seront rétablies au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes au nom de Jésus. Les départs, les voyages sans solution qui ont fait déporter les gens de ta famille sur tous les plans, le Seigneur va les ramener au nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté. Quoi d'autre? Vers la fin du verset 11, il dit, « Je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Alléluia. je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois. Alléluia. Le Seigneur va te rétablir au nom de Jésus. C'est le retour et le rétablissement des captifs et des exilés. Tu es rétabli au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a déjà volé dans ta vie, tout ce qu'il a déporté dans ta vie et qui te font demeurer dans la souffrance, dans l'inquiétude, dans les soucis, dans la vie de désert, le Seigneur te rétablit ce matin. Et ta vie ne sera plus la même. Dans le verset 12, il dit encore autre chose. Il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Alléluia. Au départ, c'était quoi? Dans les villes, il n'y avait même pas d'humains, n'est-ce pas? Ils étaient tous déportés. Maintenant là, non seulement il y aura des humains, il y aura des hommes, il y aura des vies, mais parmi ces hommes-là, il y en sera qui sont des troupeaux, qui seront des bergers. Alléluia. Ils seront quoi? Des bergers. Ils seront des bergers. Les bergers conduisent quoi? Des brebis, n'est-ce pas? La même chose. Il n'y avait plus de brebis, n'est-ce pas? Il n'y avait plus de brebis dans ces villes. Dans cette vie de désert, il n'y avait plus de brebis. Et les brebis qui symbolisent les richesses économiques. Parce que, entre temps, pour mesurer votre ressource, votre richesse économique, il faut compter la quantité de brebis, le nombre de brebis que vous avez dans votre bergerie. Alléluia. Il aura des demeures pour les bergers faisant reposer leur troupeau au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'a rétabli. Maintenant, les hommes seront là. Non seulement ils sont là, ils seront des bergers faisant reposer des troupeaux au nom de Jésus. La prospérité financière, la prospérité économique va te localiser au nom de Jésus. Pour finir, au verset 13, il dit encore quelque chose d'autre. Il cite toutes les villes, Jérusalem, Juda, ainsi de suite, Israël. Il dit toutes les villes, les brebis passeront sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel des armées. Les brebis passeront sous les mains de celui qui les compte. Ça veut dire quoi? Il y en aura suffisamment. N'est-ce pas? Il comptera. Tu compteras. Tu compteras. Tu compteras. Tu compteras. Tu compteras. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'Éternel t'a rétabli. Les troupeaux, les brebis, il y en aura suffisamment. Où tu compteras sans cesse au nom de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Tu seras en train de compter entre tes mains sans arrêt. Tu seras en train de compter sans fin les richesses et les bénédictions financières que le Seigneur te donnera. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction de s'attacher à toi. C'est de ça qu'il est question ce matin. Alléluia. Alléluia. Retenons ce matin que c'est l'Éternel des armées qui rétablit les peuples, qui rétablit les familles, qui rétablit les vies qui sont dévastées. Et il nous annonce cette bonne nouvelle de rétablissement pour chacun de nous ce matin. Reçois ce rétablissement au nom de Jésus. Quelles que soient les souffrances actuelles des peuples, quelles que soient les souffrances actuelles des familles, quelqu'un ce matin reçoit le rétablissement. Gardons que ce rétablissement ne viendra que de l'Éternel des armées. Parce qu'il l'a promis. Et sa promesse est certaine. Et il le réalisera au nom de Jésus. Romains 8, verset 18, que je cite. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. C'est la fin de cette prédication. Que Dieu bénisse votre écoute et vous donne la force d'appliquer sa parole. Centre universitaire apostolique CUA. Pour tout renseignement sur le centre, veuillez composer le +229 95 30 54 28.